إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، فلازلنا في دراسة كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال، الذي ونحن في الباب الخامس من هذا الكتاب، الذي هو بيان لمنهج الرسل في دعوته من الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل أصيل، تعلم كيف دعا الأنبياء وإلى ماذا دعوا. فرأينا ما كتب الشيخ حفظه الله تعالى عن الأصل الأول وهو التوحيد، ورأينا كذلك الأصل الثاني وهو المعاد، وبقي لنا في هذا الباب الأساس الثالث وهو الرسالات. Donc, frère en Allah, Azzawajal, c'est le 11e cours autour de cette étude du livre du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, La source abondante et délicieuse. Et nous sommes au 5e chapitre, dont le titre c'est l'éclaircissement sur la voie dans la da'wah du messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un fondement principal à le fait de savoir comment prêcher, pourront appeler vers Allah Azza wa Jal, et vers quoi il faut appeler, et avec quoi il faut commencer. Nous avons vu que là, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il nous a cité trois principes fondamentaux, à savoir, appeler vers le monothéisme, comme le fait les messagers, alayhi salatu wassalam, rappeler et à la croyance en l'au-delà, c'est le deuxième fondement, et le troisième fondement, c'est les messagers, alayhi salatu wassalam, le fait de croire en les messages des messagers, alayhi salatu wassalam. Nous avons vu les deux premiers, maintenant, avec le troisième principe. فالأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها وإقامة الحجج عليهم. ففي القرآن عامة وفي الصور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير، ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة. وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et donc le troisième principe nous dit cher, c'est le fait de croire en les messages envoyés min Allah Azza wa Jal, et le fait de prendre comme écrayant ceux qui n'ont pas reconnu les messages qui sont arrivés min Allah Azza wa Jal, et de ramener les preuves contre ces gens-là. Et le Coran, il est plein de preuves en général, et en particulier dans les sourates qui sont descendues, ce qu'on appelle les sourates mikwazes. Dans les sourates mikwazes, il y a beaucoup de rappels de ce principe fondamental qui est le fait de croire en les messages. Et Allah subhanahu wa ta'ala accompagne le fait de croire en Allah azza wa jal avec la croyance en le messager alayhi salatu wassalam. Et il découle de ça, il en résulte le fait d'être sauvé du feu de l'enfer et de gagner le paradis. Et même quand on parle de iman en général, dans le sens large du terme, dans certains endroits, il est voulu avec le fait de croire en Allah et le messager alayhi salatu wassalam. Comme dans sourate al-mu'minun, ils ont réussi les croyants qui sont dévoués dans leur prière. Et ici, ils ont réussi les croyants qui ont cru en Allah et en son messager alayhi salatu wassalam. ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بترتيب الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله، كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يوسي دون القرآن تايفي لفيت دو كونفيرمي لي ميساج dans le Coran, avec beaucoup de style, avec beaucoup de une diversité dans le style des phrases et le style des versets. Hein? Des fois, on retrouve dans certains versets le fait de croire en le message, cela amène vers le grand bien. Le fait de croire en Allah Azza wa Jal et en son messager, cela ramène le grand gain. Et l'agrément d'Allah Azza wa Jal et fait partie de ces versets, ceux que nous a cités c'est ici, « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِبَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ » Et ceux qui croient en Allah, ils sont messagers, ils craignent Allah et préservent les droits d'Allah Azza wa Jal, ceux-là font partie des gagnants. Et وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الى قول الله عز وجل qui nous dit ceci celui qui obéit à Allah et à son messager il a gagné le grand gain l'énorme gain وتارة يقول الشيخ بالإخبار عمن أطاع الله وأطاع رسوله أنهم من أحسن رفيق قوله تعالى أنهم مع أحسن رفيق قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Et des fois aussi, dans le Coran, il annonce comme quoi celui qui obéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, il sera avec une bonne compagnie dans l'au-delà. Comme cette citation dans Sourate Nisa, celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. وتارة بالإخبار بأن طاعة الله ورسوله موجبة لدخول الجنة كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وتارة بالأمر بالإيمان بالله ورسوله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله et des fois aussi l'annonce nous vient comme quoi le fait d'obéir à Allah et à son messager cela implique le fait de rentrer au paradis. La citation nous dit ceci, celui qui obéit à Allah et à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis, sur lequel coulent des fleuves. Et des fois aussi l'ordre vient pour nous ordonner le fait de croire en Allah et en son messager. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager. وطارة بالاستجابة لدعوتهما لأن الله ورسوله لا يدعوان إلا إلى ما في حياة المؤمنين كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Et des fois aussi, l'interpellation nous vient en ceci, nous interpelle comme il faut répondre à l'appel d'Allah et de son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, car Allah et son messager n'appellent les croyants qu'au vers les choses qui vont faire leur réelle vie. Comme cette citation qui nous dit, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qu'il va faire votre bonne vie. وَتَارَةً بِالْإِخْبَارِ أَنَّ أَتْبَعَهُ أن اتباعه هو الموجب لمحبة الله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Et des fois aussi, dans le Coran, il nous est annoncé que le fait de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, cela implique, découle du fait de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aimer. Il y a ce verset dans Sourate Al-Imran qui dit, dites si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera, il pardonnera vos péchés. C'est-à-dire, si on prétend aimer Allah, il faut le prouver par le fait de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. وطارة بالإخبار أن المنازل العالية في الجنة لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين Et des fois aussi, l'annonce nous vient comme ceci, que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu des hautes sphères dans le paradis pour ceux qui ont cru en Allah et qui ont pris comme véridique les messagers alayhi sallatu wassalam. Dans les authentiques, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, alayhi sallatu wassalam, que les gens du paradis vont se voir les uns aux autres, Ceux qui sont à l'étage inférieur vont voir au lointain ceux qui sont aux étages supérieurs. Ils vont les voir comme nous dans ce bas monde, on voit le petit astre, le grand Oulalastre dans l'horizon, à l'est ou à l'ouest. Parce qu'il est évident, comme vous le savez, que la récompense tout un chacun sera à l'étage qui convient à ses actes et à sa soumission à Allah, Azza wa Jal. Et à son suivi du prophète, alayhi salatu wasalam. Et quand les compagnons ont entendu ceci, ils ont dit, ya Rasulallah, ça va être la place tout simplement des prophètes. Personne d'autre ne pourra l'avoir. Il leur a dit non. Par Allah, des gens qui ont cru en Allah, qui ont pris comme véridique les messagers, alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire que ceux qui ont pris comme véridique les messagers, alayhi salatu wasalam, ceux-là vont être dans des hautes sphères du paradis. وطارة بالإخبار أن معصية الله والرسول موجبة للنار قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها et dit voilà سبحانه وتعالى nous annonce que le fait de désobéir à Allah et à son messager cela implique qu'on mérite l'enfer. Cette citation nous dit celui qui désobéit à Allah et à son messager il dépasse ses limites. Les limites que Allah subhanahu wa ta'ala a tracées, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer en enfer et il y sera éternel. وَطَارَةً بِالْإِخْبَارِ أَنَّ سَبَبَ الْإِهْلَاكِ الْأُمَمْ عِصْيَانُهُمْ لِرُسُلِهِمْ وَعَدَوَاتِهِمْ لَهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Et des fois aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que le châtiment, ce qui a fait périr certaines communautés, certains peuples, c'est le fait d'avoir désobéi à leur prophète, alayhi salatu wasalam, et d'avoir pris les messagers, alayhi salatu wasalam, comme des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette citation dans Surat Ibrahim, alayhi salatu wasalam, et ceux qui ont mécru ont dit à leur messager, alayhi salatu wasalam, nous allons vous sortir de notre terre, sinon vous allez, ou alors vous allez revenir vers notre voie. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses messagers, nous allons faire périr et châtier les injustes, et vous allez hériter de leur terre après eux. Et ceci c'est pour ceux qui ont eu peur, et qui ont pris en considération les châtiments et les avertissements d'Allah azza wa jal. وقال عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Nous a dit aussi de Pharaon. Pharaon voulait les chasser de leur terre, de la terre, et nous l'avons englouti dans l'eau. Nous l'avons englouti sous l'eau, lui et ceux qui sont avec lui, et nous avons dit après, Abanou Israël, habitez la terre et quand la promesse de l'au-delà arrive, nous allons vous réunir. وقال كذلك قدبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Il a dit aussi que le peuple de Nuh a démonté ainsi que les groupes ont démonté après eux et d'autres. Le peuple de Nuh a démonté ainsi que les autres parties après eux et chaque communauté a voulu tuer son messager alayhi salatu wasalam, et ils ont controversé avec du foi avec lui, ils ont débattu avec le foi avec lui, et Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Donc ces derniers versets, cher, il nous les cite pour nous montrer comme quoi le fait de désobéir au messager alayhi salatu wasalam, on reçoit le châtiment min Allah azza wa jal. بل قد جعل الله عز وجل من عصى رسولا واحدا كمن عصى جميع الرسل قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété aussi que ceux qui ont désobéi à un seul messager, ils ont désobéi à tous les messagers alayhi salatu wasalam. à tous les messagers alayhi salatu salam, sans exception. Hein? Et voici une félicitation dans surat Hud. Et voici Ad qui ont rejeté les signes d'Allah Azza wa Jal. Ils ont désobéi au messager. Alors qu'il n'y avait qu'un messager devant eux. Ils ont désobéi au messager. Ils ont suivi tout tyran, entêté et orgueilleux. Et dans ce bas monde, ils ont reçu la malédiction et le delà aussi. Certes, Ad ont mécru en leur Seigneur, loin, dans l'avilissement, dans le châtiment à Ad, le peuple de Houd. فهذا الأساس الثالث هو الإيمان بالرسل بالرسالة والرسل. فانظر أنت إلى عاد مع أنهم كفروا بهود فقط ربنا يقول أنهم عصوا رسله وهذا يدلك على أنه يجب الإيمان بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc ce troisième fondement ici avec lequel cher clôture le cinquième chapitre qui est le fait de croire en les messages et en les messagers عليهم الصلاة والسلام. Regarde cette fin, cette dernière citation où عاد ont mécru à أهود seulement. Et Allah a décrété comme quoi ils ont désobéi à tous les messagers, alayhi salatu wassalam. Ça prouve qu'il est obligatoire de croire en les messagers, en tous les messagers, alayhi salatu wassalam. Sans exception. Celui qui dit qu'il croit en Isa, il ne croit pas en Mohammed, alayhi salatu wassalam, il croit en rien du tout. Celui qui dit qu'il croit en Moussa, il ne croit pas en Mohammed, alayhi salatu wassalam, ben il ne croit même pas en Moussa, alayhi salatu wassalam. Wa huna al-babu al-sadis. في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه هذا يدلنا على أن إذا انحرف الإنسان أو انحرفت الجماعة عن منهج الأنبياء هذا أمر خطير جدا وهذا معناه أن الإنسان ترك الصراط الذي أمره الله به وأنه قد عصى وخالف أمر الله عز وجل المسألة ليست سهلة فالمسألة ليست بالهوى وبالعقل والتشهي تختار ما تشاء لا ثم لا أنت مأمور باتباع طريق واحد فإن خالف الأنبياء في طريقهم ومنهجهم فقد عصيت الله فإن خالفت الأنبياء في طريقهم ومنهجهم فقد عصيت الله وخالفت أمره وتركت الصراط المستقيم الذي أمرك بلزومه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc, et nous sommes maintenant au sixième chapitre, qui est un éclaircissement dans le titre. Hein? C'est l'éclaircissement sur le fait comme quoi, si on divise la voie des messagers alayhi salatu wassalam, nous avons laissé la voie droite, celle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Ce sixième chapitre est un chapitre très important. Il nous montre que le fait de dévier de la voie du messager alayhi salatu wassalam en tant que groupe ou là en tant qu'individu, ceci est une situation très dangereuse. Cela veut dire que la personne ou là le groupe a délaissé la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de suivre et qu'il a désobéi à Allah et qu'il a mais derrière son dos l'ordre d'Allah Azza wa Jal. La situation n'est pas simple, la situation n'est pas facile, la situation ne se fait pas avec les passions, avec la raison. J'ai envie de faire ça, je le choisis, j'ai envie de suivre cette voie-là, cette voie me plaît parce que son fondateur est beau, là son fondateur parle bien, il a une voix douce, etc. Là, l'islam, tu es obligé de suivre la voie, une seule voie, la voie du messager alayhi salatu wassalam. Et si tu es en divergence avec la voie du prophète alayhi salatu wassalam, tu as désobéié à Allah, et tu as donné l'ordre à l'ordre d'Allah azza wa jal, et tu as laissé la rectitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de prendre. Et là, il a dit, ça c'est ma voie droite, suis-la, et ne suis pas les autres chemins, et ces chemins vont te dévier de la voix d'Allah Azza wa Jal. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى لقد بعث الله عز وجل نبيه محمد رحمة للعالمين ومنارا للقاصدين وأسوة للمهتدين وكلف عباده جميعا باتباع والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته فقال عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Cheikh Ahmed, hafidhahullah ta'ala, de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et comme clémence pour les mondes et comme éclaireur sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux comme guide. Et il a ordonné à ses serviteurs tous, sans exception, de le suivre et de le prendre comme modèle et de suivre sa sunna et sa voie. Et la citation que cette chère ici, dans Surat Al-A'raf, nous dit ceci, « Ma clémence couvre toutes choses, et je vais la transcrire à ceux qui préservent les droits d'Allah, et qui s'acquittent de la zakat, et qui croient en le verset. Ceux qui suivent le messager, prophète et lettré, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wasalam, qu'ils trouvent écrit dans leur Torah et dans leur évangile, il leur ordonne le bien, il leur interdit le mal, il leur félicite les bonnes choses, il leur fait illicite les choses impures. Il allège leur situation. وقال كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Et il ne fait ces citations aussi. Dites si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera, il pardonnera vos péchés. وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il nous a fait cette citation aussi, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager, et à ce que et à vos princes ainsi qu'à vos savants, si et quand vous avez un litige, ramenez-le vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah Azza wa Jal, et vers son messager, c'est-à-dire vers la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam, si vous croyez en Allah et en l'au-delà. Et ça, c'est la meilleure des interprétations qu'il faut faire. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. Il a dit aussi, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas alors que vous entendez. Tous ces versets, ce passage nous montre en général qu'il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam. هذا على وجه العموم الله أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة هاك الدليل. Ça, c'est en général qu'il faut obéir et suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. Maintenant, au niveau de la da'wa, voici les preuves. وفي الدعوة إلى الله خاصة أمر الله باتباعه فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et en ce qui concerne da'wa en particulier, Allah a ordonné de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit, dis ça, c'est ma voix. J'appelle vers Allah, moi, avec science, moi et ceux qui me suivent. Avec science, moi et ceux qui me suivent. ولقد أمرنا عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم فقال جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il nous a ordonné à Azzawajal de prendre comme modèle et comme exemple et comme seul guide Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous avez on le prophète le meilleur des exemples et le meilleur des guides pour ceux qui croient en Allah et en l'au-delà qui invoquent Allah beaucoup. كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء في النسب. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Comme il nous a ordonné aussi, ainsi qu'à notre messager alayhi salatu wassalam, de prendre comme modèle Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans le fait qu'il a, qu'il a désavoué les associateurs et il a déclaré son désavouement aux associateurs, même s'ils sont proches. Et la citation nous dit ceci, vous avez un meilleur exemple et un meilleur guide en Ibrahim alayhi salam et ceux qui sont avec lui. Quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons ainsi que ce que vous adorez. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا قال في خاتمة ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un certain nombre de 17 prophètes alayhim salatu wassalam dans sourate al-An'am, il a dit à la fin, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, suit leur chemin, prends-les comme exemple. Donc la voie des messagers alayhim salatu wassalam, c'est notre chemin, c'est elle qui mène vers la rectitude. ومن هذه النصوص يتبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء في دعوتنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه بل في كل شيء وإن الدعوة إلى الله هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc ces textes sont clairs. Fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne un ordre irréfutable, comme quoi il faut suivre Muhammad alayhi salatu wa sallam dans toutes choses, et dans notre da'wa, que ce soit dans notre da'wa, dans notre pratique des adorations, dans notre transaction commerciale, dans notre comportement, dans notre vêtement, dans notre façon de manger, et dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans notre sommeil. Hein, comment dormir et comment se réveiller et dans le fait de comment gagner notre subsistance et comment la fructifier, comment la dépenser dans tous les domaines de notre vie, nous devons le prendre comme exemple. Et le fait de appeler vers Allah Azza wa Jal est le plus important dans cette religion. Et la chose la plus importante dans cette religion. Et dans le fait d'appeler vers Allah Azza wa Jal, nous devons prendre Muhammad alayhi salatu salam comme modèle. Nous devons commencer comme il a commencé et construire comme il a construit et s'occuper des bases sur lesquelles, hein, par lesquelles il a commencé et auxquelles il a donné l'importance. Car tout prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à sa communauté pour les appeler vers Allah, la première chose avec laquelle, le premier ordre qu'il reçoit, c'est le fait de leur ordonner le monothéisme et de les avertir contre l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl fait cette citation, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, et le messager dit à son peuple, adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah azza wa jal. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في منهجي في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه حيث يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيخ دونو دير j'ai ramené un grand éclaircissement dans le fait comme quoi les prophètes alayhi salatu salam dont da'wa ila Allah, hein, ils ont commencé par cette base principale qui est le monothéisme. Celui qui néglige cette base, hein, et qui ne lui donne pas l'importance, qui se détourne de cette base, et qui ferme les yeux sur l'associationnisme, que les messagers ont commencé à détruire, et à appeler vers son contraire, et qui est allé faire des conférences et des cours dans le siège où, hein, on vaut du culte pour des mausolées ou pour des tombes, et qu'il ne dit aucun mot, il ne blâme pas, et que son souci, c'est tout simplement de réunir les gens du moment, hein, qu'ils sont musulmans, même s'ils sont loin de la réalité de l'islam, même s'ils accomplissent des actes qui détruisent l'islam de sa base, comme le grand associationnisme qui sort le serviteur d'Allah Azzawajal de l'islam et qui implique le fait de rester éternellement en enfer si on meurt là-dessus et qui lui interdit de rentrer au paradis. Et ce qu'il voit tout ceci devant lui, il ne corrige pas les croyances des gens, il ne leur montre pas que ce qu'ils font c'est un grand associationnisme, il ne leur éclaire, il n'attire pas leur attention sur les innovations qu'ils voient et sur les égarements qu'ils voient. Celui-là, il a dévié de la rectitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de suivre. Nous disons ça, c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer, hein, de son chemin. فامتل هؤلاء يأتون في بعض البلدان إلى المساجد التي فيها أضرحة تعبد من دون الله ويلقون فيها محاضرات ودروسا في التفسير أو الحديث أو اللغة ولا ينكرون ما يرونه من الشرك بالمساجد فهل هذا هو منهج الأنبياء سبحان الله وهؤلاء يريدون أن يجمعوا العوام ولو كانوا بعيدين عن حقيقة الإسلام بدون أن يعلموهم ويصححوا عقائدهم يريدون فقط جمع الناس حولهم. Donc ceux-là qui vont dans certains pays, dans certaines mosquées où il y a des mausolées, il y a des tombes qui s'adorent en dehors de Allah Azza wa Jal, ils font des conférences où là ils enseignent des cours, que ce soit sur l'interprétation du Coran, ou là le hadith, ou là la langue arabe, mais ils ne blâment pas ce qu'ils voient comme associationnisme dans ces mosquées. Est-ce que ça fait partie de la voix du messager alayhi salatu salam? Ceux-là veulent tout simplement réunir le commun des musulmans, même s'ils sont loin de la réalité de l'islam, sans leur apprendre, sans leur authentifier leurs croyances. Ils veulent tout simplement réunir les gens autour d'eux. Et ceux-là sont loin de la rectitude. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكت عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك شأنه شأن الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسول صلى الله عليه وسلم resté un grand moment à la Mecque, 13 années à la Mecque, plus de 10 ans à la Mecque, il n'ordonne que le monothéisme. Et il interdit l'associationnisme. Et ça, c'est la situation de notre prophète alayhi salatu salam. Il est identique à la situation des autres prophètes alayhi salatu salam avant lui. Et c'est ce que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et c'est l'obligation première, c'est de s'occuper de ce fondement principal, appelé vers le monothéisme, et anéantir l'associationnisme. La citation dans Surat al-Anbiya nous dit ceci. Chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, le messager, chaque fois qu'un messager est envoyé avant toi, nous lui révélons qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala donne cet ordre à son messager pour qu'il le transmette à son peuple. N'est digne d'être adoré qu'Allah. Adorez Allah. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم فأخبر عن عيسى أنه قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم donc et il nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé de Isa alayhi salam qu'il a commencé par cette base principale dans plusieurs passages du Coran dans sourate Maryam dans sourate Zukhruf dans surat Al-Imran. Ça, c'est ma voix. Je suis votre, vous suis le seul digne d'être adoré. Je suis celui qu'il faut adorer. Votre Seigneur. Il a dit à Isa, dis-leur que Allah Azza wa Jal, c'est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le, ça, c'est la voie droite. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, ça, c'est ma voie droite. Et cette citation, elle est répétée dans trois passages dans le Coran, dans Surat Maryam et dans Surat Zukhruf. Comme l'a cité Cheikh Ishaq Abdallah Ta'ala. فَمَنْ تَرَكَ هَذَا الْمَنْهَجَ الْوَاضِحِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ فِي دَعْوَتِهِمْ فَقَدْ تَرَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَنْهَجًا مُسْتَقِلًّا وَكَانَتْ دَعْوَتُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا بِدُونِ أَسَاسٍ وعنا فيها بالمحسنات والزخارف بالمحسنات والزخارف فلم يلبت انهار وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Celui qui laisse cette voie claire sur laquelle étaient les messagers alayhi salatu wassalam, dans la da'wa, il a laissé la rectitude et la voie droite. Et il a pris pour lui une voie, il a pris l'indépendance dans le choix de la voie. Et cette da'wa va être comme celui qui a construit une grande maison sans base et sans fondation. Et il s'est occupé à embellir cette maison de l'intérieur, hein, et à mettre toutes les belles choses à l'intérieur, les sculptures, etc. Et tout d'un coup, sa construction est tombée. Et tout d'un coup, sa construction est détruite. Tawhid, le monothéisme, c'est la base des bases. C'est la fondation principale. Et la religion ne peut s'accomplir que sur le monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans Surat Ibrahim. N'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet exemple d'une bonne parole, d'une parole sublime, comme une parole, comme une bonne, comme un bel arbre dont le fond est ancré dans le sol, dont les racines sont ancrées dans le sol, et le front, le tronc est lancé vers le ciel, et il donne son, ses fruits à tout moment avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'exemple de la parole du tawhid, du monothéisme, ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Fa, an yatanakkab al-insan, ولا يتبع دعوة الأنبياء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ويتخذ منهج مستقل هذا ضل وضيع الأمانة. La plus grande des catastrophes, c'est que la personne se détourne et ne prend pas le chemin des messagers عليهم الصلاة والسلام dans la da'wa إلى الله عز وجل. Celui-là est égaré et il va amener les gens vers l'égarement. Et كذلك يجب أن يعنى بالتوحيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ماذا تريد كيف يعتني بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد من لم يتعلمه أصلا كيف نطالب هذه الجماعات وقيادتها بأن تهتم بالتوحيد وهي لم تدرسه ولا تدرسه أصلا ولا تعلمه لأبنائها وشعاراتها تقول شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا إذا الخلل مبدأه هنا الخلل عند هذه الجماعات وعند أولئكم الدعاة يبدأ من الانطلاقة لم يتعلموا التوحيد ولم يدرسوه ولم يدرسوه وإنما تربوا على القصص والخرافات والتمثيليات والكتب الفكرية والثورية وأشياء من هذا القبيل ففاقد الشيء لا يعطيه كيف يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك وهم لم يدرسوا هذه الأصول ولم يتعلموا هذا العلم أصلا؟ إذن التربية والتصحيح يبدأ من البداية، أن يعلم الصغير الاتباع والتوحيد، أن يعلم الصغير والأتباع التوحيد، يدرسون كتب التوحيد والعقائد، فإذا امتلأت قلوبهم بالتوحيد وغرس في نفوسهم منذ البداية فإنها ستثمر بإذن الله عز وجل. أما شخص تتربى في أحضان جماعة 40 سنة ولم يدرس كتابا واحدا من كتب التوحيد، ثم يقال له ادعو إلى التوحيد، فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟ والدعوة السلفية من محاسنها أنها تربي أبناءها منذ النشأة الأولى على التوحيد وكتبه والعقيدة وكتبها، فإذا نشأ الشاب واشتد عوده وأصبح داعية يكون التوحيد يجري في دمه، بخلاف الدعوات الأخرى يربى فيها الشباب على مبادئ الجماعة أو الحزب ويبقى سنين ولم يدرس كتابا واحدا في التوحيد أو العقيدة. إذن الغلط منشأه التربية والتعليم، الغلط منشأه الانطلاقة. ورحم الله من قال من حرم الأصول حرم الوصول. Donc la base principale de la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam, c'est le fait d'appeler vers le monothéisme. Mais comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas appris le monothéisme appellent vers le monothéisme? Comment on peut demander à des groupes, il y a des individus, il y a des théoriciens qui de s'occuper du monothéisme alors qu'ils l'ont pas étudié, ou là ils ont étudié des miettes, ou là ils l'ont étudié sur des voies qui sont égarées? Ils l'ont étudié dans les écoles de la dissertation et de la philo. Hein? Madaris al-Kalam. Comment voulez-vous leur demander d'éduquer leurs jeunes sur le monothéisme? Donc la lacune vient de ce point de départ chez ces groupes et chez ces leaders. La lacune vient du point de démarrage. Ils n'ont pas appris le monothéisme comme il se doit. Ils ne l'ont pas enseigné. Et ils ont été éduqués sur des histoires, à dormir debout, sur des légendes, sur le théâtre, sur les livres hein, qui propagent la révolution et le fait de sortir sur les gouverneurs et des choses de ce genre. Donc celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Comment voulez-vous qu'ils appellent vers le monothéisme et qu'ils avertissent contre l'associationnisme alors qu'ils n'ont pas étudié ses bases? Ils n'ont pas étudié, ils se sont même pas occupés de cette science à la base. Donc l'éducation et l'authentification doit commencer à ce point-là. Il faut que nos petits et que les disciples de ces groupes apprennent le monothéisme, étudient des livres du monothéisme et des livres qui sont authentiques, pas les livres qui sont basés sur la dissertation, la logique et la raison. Il faut qu'ils étudient des livres de l'aqida authentiques. Quand leurs cœurs vont être remplis de monothéisme et quand nous planterons cette graine dans leur cœur et en eux, dès le départ, dans ces cas-là, il y aura un bon fruit bi'idnillah azza wa jalla. Quant à une personne qui a été éduquée dans les jurons d'un groupe pendant 40 ans, 20 ans, 15 ans, il n'a pas étudié un seul livre sur le monothéisme et on lui dit appelle vers le monothéisme, comment veux-tu que l'ombre soit droit alors que le bâton, il est tordu? Sache, mon frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, Azza wa Jal, que la da'wa, dit le salaf, radouallahu alayhim, et la da'wa salafia fait partie de sa noblesse, c'est qu'il éduque les gens sur le monothéisme, et qu'il éduque les jeunes depuis leur début sur le monothéisme, et sur les livres authentiques du monothéisme, et sur les livres des croyances authentiques. Et quand le jeune grandit, et quand il se confirme dans la science, et dans la demande de la science du monothéisme, etc., et dans la science de la religion, et quand il devient un prêcheur, ces cas-là, le monothéisme coule dans ses veines. Contrairement à ceux qui sont éduqués chez ces groupes, dont principe tout simplement c'est réunir, faire des sorties, faire des soirées, et la personne peut rester avec ce groupe, avec ce parti, des millions d'années, il n'étudiera aucun livre sur le monothéisme, ni sur l'aqida. Donc l'erreur et la lacune commence du point de départ. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ce sainte miséricorde ceux qui ont dit, celui qui n'a pas eu le fondement, il n'arrivera jamais au but. فيقول لعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله هنا. وهنا هذا بعض الإخوة يقول أنتم متعصبة للشيخ ربيع وما تعرفون إلا الكلام في القطبية وكذا وكذا. نقول لهذا الأخ نحن متعصبون للحق. Des gens qui disent que nous sommes sectaires pour Cheikh Najmi, Cheikh Rabi', etc. Qu'on sait que des critiques sur Sayyid Qutb, etc. Et d'autres enseignent, disent aux jeunes, il y a des jeunes de votre entourage qui nous ont dit que certains leaders sur la place à Bruxelles leur conseillent de lire dans les livres de Sayyid Qutb. Maintenant, c'est sûr, vous dites que nous sommes sectaires pour eux, par Allah, que les salafis ne sont sectaires pour personne, ils sont sectaires pour la vérité. Combien de cheikhs étaient sur cette voie et défendaient cette voie, et quand les mashaïkhs, les grands mashaïkhs remontraient ces erreurs, les jeunes se sont détournés de ce cheikh. Ils ne le suivent plus. Parce que les salafis, ils sont éduqués sur le fait de ne pas suivre les gens et de ne pas être attachés aux gens, mais de suivre la preuve. Hein? Et par Allah, ceux qui conseillent aux jeunes de lire dans Tafsir d'Ilal Qur'an, ceux-là, ils trahissent chez eux. Ils ne sont pas d'un bon conseil pour eux. Comment on peut leur conseiller un livre dans lequel il y a des calamités? Regardez maintenant, je vais vous citer certains passages et dites-moi si vous acceptez qu'on dise ça de la parole d'Allah Azza wa Jal. Sayyid Qutb, yufassiru kalam Allah bil musiqa wal anghamu wal anashid. Sayyid Qutb explique la parole d'Allah Azza wa Jal avec les mélodies musicales et avec les sons musicaux, les sons de la musique. قال سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن الطبعة 25 عام 1417 عند تفسيره لسورة النجم المجلد السادس الصفحة 3404 هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في قاع فواصلها الموزونة المقفاة. Écoutez maintenant, Sayyid Qutb dit dans Dhilal, la 25e édition, qui a été éditée en 1417, pour l'interprétation de ce passage dans Surat Najm, tome 6, page 3404, cette surat, dans son ensemble, c'est une poésie musicale très haute, dans laquelle il y a des sons, dans sa construction, que ce soit au niveau de l'expression, dans son expression, il y a la musique, et il y a des mélodies musicales. Taniyan wa qala fi tafsir surat an-Nazi'a, al-mujallad as-sadis, safha 3811, yasuquh fi iqa' al-musiqi, thumma qala ba'da dhalika fayahda'u al-iqa' al-musiqi. Et pour surat an-Nazi'at, comme il y a le rappel de l'enfer, etc., et le tremblement de et la résurrection, etc., il dit, donc pour Surat Nazi'at, il le conduit dans un son musical, et sur une mélodie musicale, et après cela, ce rythme va baisser, il va se calmer. Comment on peut parler de la parole d'Allah, Azza wa Jal, comme ça? وقال عن سورة العاديات المجلد السادس الصفحة 3957 والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة. Et pour ce qui concerne سورة العاديات, comme il y a un petit peu l'image de la guerre, il dit dans la note musicale il y a une certaine dureté, il y a un certain bruitage très fort et agressif. Comment on peut parler de la parole d'Allah Azza wa Jal comme ça? وقال في الظلال المجلد الخامس إن داود الملك النبي كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك وللقضاء بين الناس ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحا لله في المحراب. Il dit dans Dhilal, 5e tome, page 3018, que Daoud, le roi prophète, réservait certains de son temps pour gérer son royaume, et pour juger entre les gens, et d'autres temps il est réservé pour faire des mélodies pour l'anachid, pour glorifier Allah Azza wa Jal dans son mihrab. Comment? Subhanallah. وكذلك يقول بخلق القرآن قال في الضلال متحدثا عن القرآن والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. Il a dit pour ce qui concerne le Coran que c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. Dans Dilal, tome 1, page 38, en parlant de le Coran, il dit, la situation pour ce défait, c'est la situation pour tous les défaits dans la création d'Allah Azza wa Jal. Et il est comme la fabrication d'Allah et la fabrication des gens. Le Coran, pour lui, est une créature. وقال في ظلاله الجزء الخامس الصفحة 2719 بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. Il dit aussi dans Dhilal, tome 5, page 2719, après avoir parlé des lettres qu'on trouve, des lettres coupées au début de certains versets, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il dit, et le défi à ce sujet, c'est comme dans toute la création d'Allah Azza wa Jal, et il est comme la fabrication d'Allah Azza wa Jal dans toute chose. Et il dit, après avoir parlé de ces lettres coupées, ils ne peuvent pas ramener comme ces lettres, faire un livre comme ces lettres, faire un livre composé de ces lettres, parce que c'est une fabrique d'Allah, et ce n'est pas une fabrique de l'être humain. Donc, ici il est clair qu'il dit que le Coran est une créature d'Allah. وقال في تفسير سورة صاد الجزء الخامس الصفحة 3006 وهذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه وتعالى كما يقسم بالقرآن ذي الذكر وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده صوتا في حناجر البشر. Il dit pour l'interprétation de sourate Sad, tome 5, page 3006, cette lettre qui est Sad, Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment avec, comme il fait le serment avec le Coran. Et cette lettre, c'est une créature, c'est une fabrique d'Allah. C'est lui qui l'a fait exister. Il l'a fait exister en sondant la gorge des gens. فاسمع الآن للعلامة الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه المولد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الضلال ردا على هذا الكلام صفحة 180 وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق وأما للسنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقال في كتابه الظلال الجزء الرابع 2328 إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات. Maintenant écoute la parole de Cheikh Abdallah Addouish rahmatullah alayh dans son livre Le Mawrid al-Azb al-Zulal, dans le fait d'avertir et d'attirer l'attention sur les erreurs qu'il y a dans l'interprétation de Dhilal, refutant la parole de que je viens de citer sur l'interprétation de la lettre Sad. Il dit pas 180, et quand Sayyid dit que cette lettre, c'est une fabrique d'Allah et c'est lui qui l'a fait exister, ça c'est la parole d'Yel Jahmiya, et c'est la parole d'Yel Mu'tazila qui disent que le Coran est une créature. Quant à la parole des gens de la Sunna, ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est descendu, c'est la parole qui est descendue min Allah Azza wa Jal, ce n'est pas une créature. Et il a dit aussi dans Dilal, tome 4, page 2328, le Coran est un événement universel comme les cieux et la terre. Tu veux que je te rajoute, mon frère, en Allah Azza wa Jal? Et là, je t'ai pas cité les paroles d'Yel Sheikh Rabi'. Je t'ai cité quelqu'un avant Sheikh Rabi', qui fait les critiques. Sheikh Abdullah Dwij, rahmatullah alayh. Avant de parler, il faut tourner ta langue dans ta bouche 10 fois. Il faut réfléchir à ce que tu dis. Les erreurs, ils sont là. Cheikh Rabi' n'a aucune adversité ou n'a aucune haine contre Sayyid Qutb ni qui que ce soit. Tout simplement, il s'agit de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit des prophètes d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit des compagnons du prophète d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous a montré les erreurs qu'il y a dans le Coran, dans l'interprétation du Coran. Il a attiré l'attention de la communauté musulmane sur comment Sayyid Qutb critique et médite sur les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et sur celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala parle, qui est Moussa alayhi salatu wassalam. Et à chaque fois que nous allons avancer dans l'étude d'El Mourid l'Adb Zulal, je vais citer des passages et après tu m'envoies si tu es content de cette interprétation et si tu es content des paroles que dit Sayyid Qutb rahmatullah alayh, des prophètes et des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et de la parole d'Allah azza wa jalla. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تثبتنا وإياكم وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ونفقهنا وإياكم في ديننا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.